Ici Maxime Tremblay du site épéelégendaire.com. Vous êtes des accros des jeux? Parfait! Car Big Ben, Antithèse Rétro Gamer, PQ et Marilune sont là juste pour vous ce soir. Bienvenue dans le podcast des accros des jeux! Le podcast des accros, l'édition du 4 mars 2013. On commence l'enregistrement dans 5 secondes. Salut les accros, c'est le Big Ben. C'est Antithèse. Rétro Gamer PQ. Et Marilune. Pour le podcast des accros, nous sommes l'édition du 4 mars 2013. Salut tout le monde, comment ça va? Ça va, fatigué. Le printemps arrive. On est tous fatigués. Et voilà. Même moi. Oh oui. Juste Marie, je pense qu'il file pipi aujourd'hui. Ben, j'ai pas le choix de filer pépé, parce que quand tu travailles avec des enfants, t'as pas le choix de virer pépé, même si t'es fatigué. Parce qu'eux autres sont pépé. Ils sont toujours, j'aimerais ça avoir leur énergie des fois, là. Oh. Moi aussi! J'en ferais des affaires. Comment ça va, les accros? Ah, je pense que ça va bien. Écoute, vie pas mal active. Moi, de mon côté, je suis cependant... À partir de demain, on va officiellement faire 3 épisodes en même temps. Parce que demain, que sort Castlevania, Lord of Shadows, Mirror of Fate. Je sens que la 3DS va être occupée ces dernières semaines. Ouais, parce que la mienne accumule de la poussière en salle de tension. Ouais, moi c'est une raison de la dépoussiérer. Moi, je sais pas, j'étais allé écouter le podcast sans nom de Patrick Archambault. Puis, il y a une de ses chroniqueuses qui m'a vraiment donné le goût de jouer à. Et on a le RPG qui est sorti là. Fire Emblem. Fire Emblem, ça a l'air que c'est malade. Puis Fire Emblem, c'est effectivement débile. C'est le, vraiment, c'est le jeu en ce moment à posséder sur sa 3DS. Sauf que tu vas voir sur Amazon, là, puis genre les cassettes sont comme à 90$. Oh, c'est tellement qu'ils sont. Amazon, là. C'est vrai que les Fire Emblem vendent très très vite, là, mais t'en as. Ça vend encore un peu partout. Là, c'est pas le problème. J'espère que Nintendo ont préparé une nouvelle batch prochainement parce que là. Moi, je suis pas prêt à payer 90$, mais j'ai vraiment envie d'y jouer, puis ça me tente pas d'aller l'acheter sur une lunette parce que je veux vraiment avoir une copie à moi. Pas argumenter, puisque je check demain au eBay Games sur. Au Metro McGill s'il l'aurait. Ah, ben oui, des fois, si jamais tu passes dans ce coin-là, ça serait cool. Ben, je travaille dans ce coin-là. Oui, c'est vrai. fait que vous préparez vos 3DS prochainement. Demain, c'est la sortie de Les Mondes de Ralph en DVD Blu-ray. Mm-hmm. J'ai hâte. Elle a hâte. Oui, moi tout, j'ai très très hâte. Un petit deal en passant, si vous avez une carte Optimum chez Pharmaprix, je l'ai vraiment pas vu cher. Je pense que c'est 22$ le Blu-ray. C'est vraiment pas cher pour un Blu-ray de Disney. Allez, oh. Checker. Sinon, à part ça, qu'est-ce que vous jouez ces derniers temps? Pas mal la même chose que c'était possible de mon côté. En fait, on rajoute à ça, en fait, j'ai commencé une nouvelle partie à Hero of Ruins, que je me suis rendu compte qu'en progressant, il me manquait quelques quêtes. Alors, c'est une petite lacune sur Hero of Ruins, jeu très très fun sur 3DS, mais c'est un peu facile de manquer des quêtes pour vraiment apporter juste une petite attention, pour pas arriver puis essayer de tout faire le plus rapidement possible. Faut vraiment fouiller coin et recoin. C'est également un excellent jeu qui exploite très bien l'aspect 3D, l'autostéroscopie du 3DS. Alors, tant qu'à être ici, je recommanderais Hero of Ruin pour les accros. C'est bon. À part ça, toi Sylvain, qu'est-ce que tu joues ces derniers temps? Toujours WoW. Je sais pas pourquoi. Puis demain, ça concernait un petit peu, là, en plus, là. Ouais, c'est ta faute. Pas totalement ma faute, quand même pas moi qui paye le 15$ par mois. Non, c'est sûr. Ok, on va dire que c'est la faute de ma conjointe. C'est cheap. demain, ben, je vais jouer à Castlevania, Lord of Shadows, Mirror of Fate sur 3DS. On voit que Anastase est d'accord avec moi là-dessus. Mais moi, je prépare mes vidéos aussi. Mais là, j'ai une requête à faire. Ok. J'ai besoin de l'aide des accros pour compléter ma collection de Skylanders Giants. Ok. T'en as pas encore assez? Non, jamais. Jamais. Un collectionneur doit tout avoir. Il m'en manque juste deux que j'ai pas pris. Malheureusement, j'ai fait l'erreur de dire que je vais les acheter plus tard. Là, je suis pas capable d'être trop. Ok. Donc, il me manque, je sais pas si on peut voir ici. Alors, ça a l'air d'être un gros bonhomme bleu. C'est la dame. Ok. Okay. Il me manque ça. Il manque ça. Okay. Et Flame Singer. Ok. Si jamais ils trouvent, qu'est-ce qu'ils font? Si jamais ils trouvent, ils peuvent m'envoyer un courriel sur le forum de la Cour des Jeux. Puis me dire où est-ce qu'ils l'ont trouvé. Puis on va s'arranger pour qu'eux l'achètent puis je la repérerai par PayPal ou ben quelque chose. Mais je tiens à faire une recherche exhaustive là-dessus. D'accord. Fait qu'en même temps, on va peut-être rajouter ton nom dans la section forum, dans la section recherche. Comme vous savez, il y a une section sur notre forum qui permet d'acheter, de vendre et d'échanger aussi des jeux. Et il y a une petite section qui s'appelle « Je recherche » où les gens mettent leur nom pour savoir des produits spéciaux. Je sais que Tester Alpha cherche beaucoup des Megaman. Alors toi, s'ils peuvent t'aider à finir ta collection de Skylanders, je pense que ce serait génial pour toi. Il cherche quoi comme Megaman, lui? Ah, il y en a une couple, lui, qui cherchait. Faudrait qu'on regarde sur le forum. Je vais regarder. J'ai une boutique ici à Québec qui les a toutes. Quoi? J'ai vu que c'était à Québec qu'ils ont tous tes Megaman. Il dit, tu vois, sur NES, il manque la boîte livrée de Megaman 4, il manque la boîte de Megaman 5. Oui. SNES, il manque la boîte livrée de Megaman 7, la boîte de Megaman X, puis les jeux de Megaman X 2 et 3. Puis il manque tous les Megaman sur Game Boy. Alors, grosse liste. Une bonne grosse liste, mais bon, on comprend, c'est un collectionneur comme vous et moi. Et voilà. Et même Marie qui est rendue collectionneuse de plus en plus. Yeah! Déjà qu'elle pense à vouloir acheter Skylanders, je m'attends à ce qu'elle devienne collectionneuse. Pour le 3DS ou la Wii, finalement, son choix, c'est arrêter sur quelle console? Plus 3DS, parce que j'ai pas grand-chose à Wii. Mais... ouais, ça commence. Ça, puis je commence aussi à être collectionneuse. Ok, ça paraît vraiment nerd et Hermione Granger, mais de livres, de romans. Donc, je suis rendue à... On est plein de nerds et fiers de l'être. Ouais. Effectivement. Mais c'est correct. C'est correct d'être geek de livres. Moi, je vois rien de mal là-dedans. C'est quand même bien correct. Alors, Marie, t'es une geek. Une geekette de livres. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis la Hermione Granger en puissance 50 millions. Non, pas vrai. En note. Parce que Hermione Granger, moi, vraiment, qu'on déchire un coin de livre, elle, c'est... Oh mon Dieu, ça fait mal à un livre! Je suis pas comme ça. Ça rappelle quand je le lisais. Marie, toi, qu'est-ce que tu fais ou tu joues ces derniers temps? Qu'est-ce que grand qui s'est passé ta semaine? Y a pas grand chose de nouveau. En fait, c'est sûr que je joue encore à WoW, en façon beaucoup plus modérée, parce que vous voulez pas, j'ai commencé à faire des tournages aussi dans ma fin de semaine, donc ça a pris beaucoup de mon temps. Mais j'ai ressorti mon Plants vs. Zombies PC. Oui, puis... Ouais. Puis sérieusement, peut-être une prochaine critique. On va voir. Ça peut être intéressant, parce que des rumeurs qu'on entend, ça se peut qu'il y ait un 2. Ça serait le fun. Sérieusement. S'il y a d'autres défis, là, plus... oui. On sait jamais. Alors, non, là-dessus, moi, de mon côté, tranquille cette semaine. Comme vous avez vu, j'ai fini ma critique de Tortue Ninja sur GameCube. J'avoue que c'était un petit peu forçant, mais c'est correct. C'est bien correct. Sinon, à part ça, ben j'ai eu un petit peu de misère à finir le jeu parce que bon, je le trouve plate à la longue. Puis je sais qu'il y a du monde qui m'ont critiqué pour mon 4 sur 10, mais je le maintiens. C'est trop répétitif comme jeu, puis c'est ce qui m'a fait comme. Non. Peut-être que le 2 et 3 doit être meilleur, je suis sûr que le 2 et 3 est meilleur. Mais pour ce qui est du premier, j'ai été déçu. Tant je pense que je l'avais mieux aimé. Mais là, rendu à ce qu'on a joué, puis en pensant à ça, là, je me suis dit, Ken, il y avait un gros laps de temps entre Tortue Ninja 4 puis celui-là. Puis pourquoi qu'ils n'ont pas utilisé les idées qu'il y avait du 4, mettons, là, pour l'implanter dans celui du GameCube? Quelques idées, en tout cas, tu sais. Juste par exemple, les pièges. Ça aurait été génial de retomber dans des trous ou ben, tu sais, d'atterrir sur une planche puis tu manges la planche d'en face comme dans Tortue Ninja 4. Ça, c'était hot. Oui. Ou ben, de pitcher dans des ennemis dans l'écran. Ça a tout été oublié. C'est ça que j'ai trouvé plate. Mais bon, c'est pas grave. Alors, c'est ça que j'ai joué le plus clair du temps. Sinon, j'ai joué à World of Warcraft, comme à l'habitude. Là, je me gear tranquillement pour me gearer pour faire des raids prochainement. J'ai bien, bien hâte. Et sinon, ben, réussir à jouer à m'emmener avec Sylvain, ce serait le fun. On va être Ouais, deux. faudrait éventuellement faire des donjons ensemble. Oui. On pourrait peut-être enregistrer ça. Ça pourrait être cool. Ouais, on pourrait se faire un genre de live playing World of Warcraft. Ouais, tu penses qu'il y a une Ça possibilité? serait le fun! On pourrait faire ça, ouais. Vraiment, là. Une instance, genre, une instance, toute la gang ensemble. Là, il faudrait que tu commences par leveler ton personnage. Ouais, mais je level plus vite que Monsieur Big Ben, ici présent, en tout cas, avec son nouveau personnage. Mais Mais t'as. lui, il a 90, lui. Oui, mais il a joué beaucoup plus longtemps que moi, lui. Ouais, ça m'a pris 2 semaines. Les excuses. Mais tu dors 2 heures par nuit aussi! Non, pas tant que ça. Hein. Non, dans l'équation, il y a Cindy. Alors, Aussi! Il y a le temps pour prendre des questions. Oui, C'est allons-y. sûr! Alors, une question de part de taille pour Marilyn. En parlant d'Hermione, vas-tu critiquer un jeu Harry Potter, Marilyn? Ça fait un bout qu'on n'a pas fait un. Non, je critiquerai pas un jeu Harry Potter. Par contre, il y a une série de vidéos qui s'en viennent prochainement qui vont prendre vraiment beaucoup de mon temps. Puis là, je peux en parler parce que ça mijote de plus en plus dans ma tête. Je vais faire les comparatifs entre le livre et le film de chacun des livres et chacun des films. Donc, ça s'en vient, puis ça va être une série, oui, qui va prendre beaucoup de mon temps parce qu'il faut que je me retape tous les livres, tous les films, que je me fasse les scénarios, que je me fasse vraiment l'analyse comme il faut, mais j'y tiens à cette série de vidéos-là. Fait qu'elle va s'en venir d'ici, je dirais un mois ou deux, comme il faut. Merci, Marilyn. Moi, je vois une couple de questions par rapport à YouTube. Oui, je suis Oui. capable d'avoir le chat de YouTube, c'est drôle. On a Kevin d'abord qui nous dit que lui, ça va être Luigi's Mansion 2 qui a hâte de jouer sa 3DS. Effectivement. Sans Je pense que c'est bientôt. tout le monde ici qui va l'acheter. Oui! Probablement. Il nous demande ce qu'on pense du Donkey Kong Country Return qui est adapté à 3DS. Oui, il y avait des rumeurs pour ça, effectivement. Non, c'est vrai, il n'y a pas les rumeurs, c'est confirmé. Pour Ça a mai. été confirmé, oui. Moi, j'ai pas le premier sur. Ben, j'ai pas le celui qui est sorti sa Wii. Fait que pour moi, ça m'intéresse quand même. Mais je vais essayer de pogner celui de sa Wii avant. Parce que je pense que sinon, ça ne me servira à rien de racheter ce 3DS. Puis de toute façon, celui de sa Wii, je vais pouvoir jouer en même temps que Marie sa Wii, vu que c'est un des rares jeux qu'on peut jouer en coop. Fait que Effectivement, c'est je là. pense que l'or pour 20 piastres, 20, 30 piastres neuf, Je pense qu'il ouais, est 30,9$ à cette heure. Fait parce que. que c'est devenu quand même abordable comme jeu rendu là, surtout pour un jeu qui était super, super hautement coté comme dans le Country Return. Ah ben, on a fait la critique de ça quand tu l'as loué il y a Ouais. 2 ans. Hein? Ouais, puis je l'ai vraiment bien aimé, sérieusement. C'est un très bon jeu. Sinon, on a une question de Hobbs, pour Ozzy Osbourne. Ok. Salut. Avez-vous testé le nouveau Devil May Cry? Mais non, pas encore. Non, moi non plus. Rétro? Non, j'ai jamais joué à Devil May Cry. Avec la question. Peut-être Moi, que ça ça ferait va une être. bonne critique pour moi, vu que c'est un genre de remake, reboot de la série. Un reboot de la série, de Oui, prendre des. c'est vrai que tu n'auras pas à de jugement par rapport aux épisodes, aux épisodes avant. Ben, c'est ça, je vais avoir une opinion clean et neutre. Moi, j'avoue qu'il faudrait que je finisse au moins le 4. C'est un des seuls que j'ai pas fini encore. Si après ça, je pourrais me lancer dans celui-là, mais pour le moment, je suis pas encore prêt. Mais c'est dans mes prévisions, là. Sinon, on en a d'autres ici. Kevin, voyons, Tester Alpha nous demande si à quel point il y a toutes les Megaman rétro. dans ton magasin? Ça dépend, c'est quoi cette question? À quel point? Ils ont tous les Megaman à ce magasin-là. Ouais, parce que j'ai vu tous les Megaman au NES, ça c'est certain. Ok. Je peux vérifier voir s'il n'y a pas les autres au Game Boy, etc. Mais c'est sûr que si tu veux tout packaging inclus, ça serait un petit peu plus difficile. Un petit peu, ouais. Après ça, on a une autre question de Oz Orbs. Hey, vraiment, je massacre ton nom, je m'excuse à soir. Qu'en pensez-vous de la vague de jeux Kirby du moment? Le quoi? Il y a une vague de jeux de Kirby qui est sortie récemment avec Return to Dreamland, avec la collection. On en pense de quoi? Moi, j'ai adoré Return to Dreamland. Puis la collection, ben, étant joueur rétro, tu peux pas demander mieux. Non, c'est un rétro, la collection, c'est sûr. Ils ont très bien choisi ceux qui devaient faire partie de la collection. Bon, il manque certains titres, là, mais les gros titres sont tous là, hein, à mon avis. Là. Surtout les ceux qui sont rares, qui coûtent très cher, l'original. Effectivement, oui. Puis, là, c'en est un de mes titres que je vais racheter prochainement. Je vais voir encore qu'il m'agace là, au magasin, puis je le veux. Puis toi, Redo, tu dis que Return to Dreamland, ce serait une recommandation? Moi, je le recommande, parce que c'est vraiment classique Kirby, là. Style Superstar, etc., mais version là, moderne. Nice. T'as un peu de rejouabilité parce que t'as comme des challenge modes que tu peux faire et essayer d'améliorer ton temps à chaque fois. Moi, j'ai bien aimé. D'ailleurs, sur la collection de Kirby, ils ont sorti comme un genre de challenge mode qui réutilise l'engin de Return to Dreamland. Ça peut donner un goût pour ceux qui savent pas si Return to Dreamland pour eux autres. Là. Ok. Sinon, à part ça, on a un dernier qui naît notre cher Shadix qui dit Geek Pride. Oui, on est tous des Geek Pride, on est tous contents de. Je pense que ça a rien avec le fait que j'étais une geek de livre. Je pense que ça a plus rapport à ça que d'autres choses, hein, mais oui, Geek Pride. Geek Forever! Yep, effectivement. Côté Twitter, qu'est-ce que ça donne, Marie? Attends, je pensais que Jeff faisait Twitter. Ah, je m'excuse. Il s'est mélangé un petit peu. Oui, écoutez. Twitter, il n'y a pas grand-chose vraiment. Pas grand-chose vraiment, mais pour ceux qui ont Twitter, qui veulent jaser ou poser des questions avec nous, hashtag accro des jeux. Oui. Aussi simple que ça. C'est surtout pour nous faciliter la vie afin de pouvoir voir qu'est-ce que vous écrivez, parce que si vous écrivez à nos comptes personnels, nous, on n'a pas la chance vraiment de tout regarder. Alors, allez-y là-dessus. Alors, bon, je pense qu'on peut embarquer dans les nouvelles. Oui, hein? Sans Alors, problème, oui. D'accord. Avant toute chose, nos amis de l'Otaku Lounge, qui est une place que moi, Marie, on adore aller. C'est des gens super géniaux. Ils sont tellement fins. Là. Alex et Ludivine, qui sont propriétaires de ce magasin-là, sont vraiment fins. Nous demandent de faire deux annonces. Puis moi, ça m'a fait plaisir parce que c'est une gang que j'adore beaucoup à aider. Puis ils méritent énormément notre aide. Puis surtout, c'est des choses qui sont très intéressantes, surtout pour les amateurs de manga. Ouais. Le premier, c'est une énorme grosse nouvelle. C'est un auteur de manga japonais qui va être en dédicace à l'Otaku Manga Land sur Saint-Denis. Ça aura lieu le 23 mars 2013 de 17h30 à 18h. L'auteur s'appelle Eiji Otsuka. J'espère que je n'ai pas scrappé son nom. C'est Eiji Otsuka. C'est le créateur des mangas Kurosagi, MPD Psycho, Madara, Léviathan. Puis, il va donner auparavant un cours de comment créer un manga. Donc, c'est intéressant de voir qu'un manga... Super intéressant. C'est un homme qui fait vraiment des mangas, qui est connu au Japon, va vraiment présenter une petite classe ici à Montréal, dans un petit endroit, parce que l'Otaku Manga Land, c'est quand même petit, mais c'est vraiment génial comme endroit. Alors, allez-y, allez voir ça. Sérieusement, le 23 mars, là, 17h30, allez-y. Ça va être cool pour vous. Vous allez découvrir un artiste nouveau. Moi, je sais que je vais être là. Marie, peut-être tu vas être là. Probablement. Et également, il y a une autre annonce. Le célèbre orchestre des jeux de vidéo vont faire une présentation également à l'Otaku Lounge. En orchestre réduit, évidemment, vu que c'est pas tout le monde qui rentre. Mais ils vont être présents durant le mois de mars. Alors, si jamais ça vous intéresse d'y aller, Je vous sors la date officielle, ça sera pas très long. Ça aura lieu le 30 mars. C'est un concert privé. Il y a à peu près 40 places qui sont disponibles à cet endroit-là. C'est au prix de 15 $ pour les étudiants et 20 $ pour les personnes normales, là, les réguliers. Puis ils vont faire une sorte de petite présentation de l'orchestre des jeux vidéo. Donc, c'est vraiment intéressant. J'espère que vous serez présents avec... si vous désirez voir l'orchestre dans un endroit vraiment pas... qui donne pas l'impression d'être un orchestre symphonique, là. Ça va être vraiment plus intime. Ça va être vraiment intéressant. Après ça, ben là, on va embarquer vraiment dans les nouvelles. Je pense que ça va faire du bien. D'abord, on va faire un petit segment cartoon, vu qu'on a un podcast d'animation. Mais ça touche quand même au gaming. Et Marilyn va pouvoir m'aider parce qu'elle l'a vu également. Ouais, j'ai vu ça moi aussi. C'est la bande-annonce de la série cartoon de Angry Bird. Oh my god. Vous pouvez aller voir ça sur YouTube. C'est disponible. Et ça a l'air mauvais. Oh, oui. Mauvais, là, pour moi, là, c'est l'équivalent du Donkey Kong qui est sorti dans les années 90. Sérieusement. J'ai l'impression que ça va être un nouveau Donkey Kong 90 qui sort. Toi, Marie? Rétro, qu'est-ce que tu as à dire? Bon, on a perdu ta voix, mon cher. J'avais enlevé mon micro. J'ai dit, moi, je vais donner une chance, moi. Je vais donner une chance. Puis, je le prends personnellement. Je vais faire une vidéo sur le premier épisode. Oh! Gardez ça en vue, les accros. J'ai juste besoin de savoir quand est-ce qu'il va passer. ça passe. Attends, je l'ai ici le 16 mars. Je sais que c'est en anglais. À quelque part, là. Il faudrait regarder quelle chaîne, là. Mais le 16 mars, ça sort. Ok, ça doit être Cartoon Network ou bien Nickelodeon ou quelque chose du genre? Peut-être, oui, sûrement. Cartoon Network, je pense que je serais plus content. Je viserais plus pour ça. Ouais, ben ok, ben je le prends personnellement, je vais faire une vidéo juste pour ça. Angry Bird Cartoon. Première impression de Retro Gamer PQ. Toi, Marie, qu'est-ce que t'en pensais de cette bande-annonce-là? Sérieux, pas grand-chose. J'y vais comme, ah, bon, mais... Sérieusement, je trouve que ça ressemble plus à une série, pas nécessairement pour ados, plus pour jeunes enfants. De la manière que c'est présenté, de la manière que c'est... En tout cas, la bande-annonce qu'elle me donne comme impression, ça va être vraiment plus pour les jeunes enfants que pour un public plus comme nous autres ou ados, tu sais. Parce que moi, de ce que j'ai vu, il n'y a aucun dialogue dans la bande-annonce. Donc, selon moi, je sais pas qu'est-ce que ça va avoir l'air. Je suis un peu perplexe. Sérieusement, je suis vraiment perplexe là-dessus, là. T'as peur que ça soit comme Teletubbies, qui fait juste des onomatopées, pis ça fait des pas de contenu, genre. Mais j'ai peur. Mais je sais pas. On va voir ce que ça va donner, mais que ça sorte, en effet. Il dirait que Retro va sacrifier. Hein? Il dirait que Retro va peut-être, je dirais peut-être, se sacrifier pour nous. Non, ouais, je vais me sacrifier juste pour le premier épisode. J'ai laissé la bande-annonce en passant sur Twitter pour ceux qui sont intéressés de voir un peu ce que ça va donner comme style. Moi, désolé. Non, mais c'est ça. Si vous voulez voir comme style, mais moi, de l'impression que je voyais, là, du style d'animation, ça a l'air tellement comme gentil et amical, puis que tous les moineaux n'arrêtent pas de sourire, puis toutes les cochons n'arrêtent pas de sourire. Donc, ça m'inquiète énormément un petit peu. Mais bon. sinon, pas ça. Assassin's Creed 4! Oui, c'est ça, je m'en allais dire par jaser en plus, puis on a eu des infos à dernière minute qui sont apparues. Bon, Assassin's Creed 4 va sortir le 29 octobre 2013. On va interpréter le personnage de Edward Kenway, qui est le grand-père de Connor Kenway. Donc, ça vous sonne déjà des cloches. Après ça, ça va se passer dans l'année 1713 dans les Caraïbes. Vos ennemis, ça va être des pirates la plupart du temps, donc j'imagine qu'il va y avoir une affaire de templiers, pirates, quelque chose dans ce genre-là. Surtout, beaucoup de combats navals de ce qu'on voyait. Il y aura plus de 50 endroits à visiter dans ce monde ouvert-là, donc ça va être vraiment génial. Il y aura beaucoup de choses à aller visiter. Puis l'avantage de ce jeu-là, c'est qu'il y aura peu de loading. C'est vraiment intéressant. Donc, ils ont trouvé une technique pour qu'il n'y ait pas vraiment de séance de chargement. C'est vraiment cool. En même temps, vous pouvez également upgrader vos navires, puis également, vous pouvez sacrifier vos marins. Donc, sûrement, lorsque vous allez prendre des vaisseaux, vous risquez de perdre une couple de vos camarades. Vos premières impressions, les gars? Yeah. Toi, je sais pas, antithèse, est-ce que tu as déjà joué à un Assassin's Creed? J'ai jamais eu la chance de jouer à Assassin's Creed, mais de ce que j'ai pu voir de certains playthroughs, de certains autres critiques, sans que je me fasse mon, sans que j'ai, sans que j'ai, mais malgré que j'aimerais faire mon opinion moi-même, moi on me dit que Assassin's Creed c'est un excellent jeu. Moi on me dit qu'Assassin's Creed par exemple commence à perdre des plumes. Fait que c'est en fait plus ça qui va finir par peut-être me faire plonger dans les jeux d'Assassin's Creed. Ça va apparemment le troisième. C'est toujours un truc qui avait dit qui était avec à peu près tout le monde qui a dit que le troisième, il était pas si bon que ça. J'ai pas dit qu'il était pas bon, j'ai dit qu'il était buggé à mort. Ah, ok. Oh, merci de me corriger. Ce qui, c'est sûr que ça dérange sur l'immersion du jeu. Parce que les autres jeux étaient top-notch, puis ils se sont améliorés jusqu'à Brotherhood. Revelation, le dernier. Lui, était top-notch, puis bon, on peut pas comprendre comment ça se fait que Ubisoft a pas clairé tous les bugs possibles dans Assassin's Creed 3, là. Et en espérant qu'avec le 4, ils vont avoir appris de leur erreur. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est surtout le temps de développement qu'ils ont eu entre le 3 et le 4. Mais c'est sûr que c'est pas le même studio qui s'en est occupé. Donc, c'est pas Montréal qui s'en est occupé. Je pense que c'est Shanghai qui s'en est occupé. Fait que Shanghai, moi, je les connais surtout parce que c'est eux autres qui s'occupaient souvent des suites de Splinter Cell. Mettons le 2, le 4, ben c'est Shanghai qui s'en occupait. Fait que c'est jamais vraiment une grosse évolution dans leur style de jeu, mais je vais voir. Je leur donne une chance à Ubisoft Shanghai. Je pense qu'ils sont capables peut-être de nous sortir un bon jeu. Entre-temps, moi, il faudrait bien que je finisse le 2. Ouais. J'ai encore pas mal de choses. J'ai pas mal de croûtes à manger, là. J'ai trop de jeux. Marie, tu m'as acheté un tellement beau cadeau, Marie, que je suis perdu à jouer encore. Ah ben là, c'est ça, ta liste de cadeaux. Assume, mon homme, là. J'assume. J'ai eu des beaux cadeaux. J'ai eu des très beaux cadeaux, mais à faire le deuxième, mais le Brotherhood. Alors, je vais avoir Assassin's Creed Brotherhood, fait que je vais avoir la chance d'y jouer à m'emmener. Parce que je vais prendre des semaines de vacances. On va regarder ça prochainement, je pense. mais moi aussi, j'ai quand même une bonne impression. Sérieusement, ça m'a étonné pour l'Assassin's Creed 4. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. On touche du bois. On touche du bois. J'espère que ça va être très bon. Autre nouvelle. Est-ce que vous avez déjà joué à Shenmue, les gars? Shenmue est un jeu que j'ai toujours voulu jouer, qu'on m'a dit qu'il était, parlant très très longtemps, le meilleur jeu de jeu vidéo pendant du moins une génération. Alors non? Le créateur de Shenmue, je vais essayer de dire son nom lui aussi parce qu'il y a des noms bizarres. Yu Suzuki. Ouais, je me trouve, il me débrouille. Ben oui, Il dit qu'il va essayer, il aimerait ça faire partir un Kickstarter pour essayer de finir la trilogie Shenmue. Ce qui inclut également des quelques problèmes avec Sega, vu que Sega semble pas vouloir se départir de Shenmue, mais on peut d'ailleurs vouloir partir un nouveau Shenmue. Ce qui est vraiment dommage parce que Shenmue, c'était vraiment une immersion cinématographique. Moi, j'ai joué au premier et c'était comme jouer un film, sérieusement. C'était vraiment génial. Puis lorsqu'on avait des animations cutscene, mettons, il fallait taper rapidement pour faire une action. Ça, c'était bien, bien fait à l'époque. Fait que non, j'espère que ça va réussir, qu'il réussisse à faire son Kickstarter, mais j'ai beaucoup de doutes à ce qu'il réussisse parce que les deux jeux ont quand même ils ont quand même eu proche de 70 millions de dollars dans le développement, là. Fait que c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Fait que avoir un 3 qui soit bien fait, tu touches du bois. Autre nouvelle, Deux Sexes. Avez-vous déjà joué à ça, vous autres? Deux ex. C'est probablement un de mes jeux coup de cœur de l'année passée. J'ai vraiment trippé à jouer à ce jeu-là. De la manière que tu pouvais décider de faire ta mission, si ça te tentait de le faire plus furtif ou tu voulais le faire plus Rambo. C'était vraiment ouvert à toi, puis c'est ce que j'ai aimé. Et il y a un projet de film qui va sortir prochainement. Le film va s'appeler Deux Sex Human Defiance. Il y a un site internet qui vient d'être acheté pour ça, qui s'appelle Deux Sex Human Defiance Film.com. Pas ben ben de nouvelles encore sur ce film-là, mais je croise les doigts. J'espère que ça va être bon parce que c'est une très bonne série. Puis dans le cyberpunk, c'est plutôt rare qu'on a ça ces derniers temps. Fait que, ramenez-nous un monde cyberpunk, ça va être vraiment cool. C'est quoi tu montes, là, en antithèse? Ah, t'es en train de nous montrer, en train de te filmer, puis de... Ah, OK. Disregard Haters par Marilyn. Ah. Ouais, ça fait bizarre. On va y aller avec le prochain. Ben, il n'y aura pas de Wii U pour Castlevania Lord of Shadow 2. Malheureusement, puis c'est le producteur qui a dit que malheureusement c'était par manque de moyens, donc ils n'ont pas eu assez de budget pour pouvoir sortir une version Wii U de Castlevania. Tu veux, j'ai une nouvelle contradictoire. Ah oui? Qui dit que c'est pas en dehors des possibilités. Bon, en tout cas, moi, les dernières que j'ai eues, là, mais ça date peut-être d'un petit bout aussi les miennes, mais ça disait comme quoi qu'il c'était par manque de moyens, puis que il avait pas l'air bien ben intéressé à le faire, fait que ça se... OK, parce que, ouais, c'est par manque de moyens pour l'instant. Mm-hmm. Par contre, il est toujours dans la liste des possibilités, d'après ce que je lis sur l'article sur Nintendo Life. Ça pourrait être intéressant. Ben, on va voir qu'est-ce que ça peut donner. Moi, j'aimerais ça au moins qu'il me fasse... Pour ceux qui ont une Wii U, là, je suis pas un des chanceux encore, mais sérieusement, ça serait le fun qu'ils puissent nous sortir de quoi pour... Parlant de Wii U, il y a un bundle qui est très intéressant, mm-hmm, présentement en vente, qui est le Deluxe 7, okay, avec Zombie U, puis Nintendo Land, puis la manette Controller Pro, machin, là. Mm-hmm. OK, tout ça dans le même package pour 389. T'as belle l'allure. Je pense que le Deluxe, ça se vend à 349 avec pas de jeu pis pas de la manette classique pro machin. Ça a bien de la Deluxe. C'est méchant d'Yves. Oui, puis je pense qu'avec la Deluxe, t'es capable d'avoir un code pour avoir des remboursements en coin point, je pense, pour tes jeux. Non, ça, je sais pas quoi. Y a un petit programme, genre, je pense qu'à chaque fois que t'achètes un jeu neuf, comme 60$, il te donne un payback en argent de... pour les magasins. Les accros, si vous êtes au courant, laissez-nous ça dans les nouvelles, dans le chat, juste pour être sûr. Ça serait le fun d'avoir des nouvelles là-dessus. Parce que moi, je suis pas bébé au courant, j'ai pas de Wii U encore, puis ça sera pas tout de suite. Sinon, à part ça, ben, la Ouya annonçait officiellement pour la sortie commerciale normale au mois de juin. Pour 99$ encore une fois. Moi, c'est encore une console qui m'intéresse, mais ce qui me fait peur, c'est qu'ils veulent sortir une Ouya par année. Moi, c'est ce qui m'agace. Ben, qu'est-ce qu'ils veulent faire par une Ouya par année? Peut-être qu'ils attendent, parce que à ce prix-là, ça veut dire que le hardware va devenir désuet assez rapidement. Sûrement. Mais moi, c'est savoir, est-ce qu'après un an, elle va-tu être plus bonne ou bien ils vont-tu... Non, elle va être encore bonne, c'est juste que ouais, les nouvelles vont être plus performantes puis que ça joue. Puis... C'est comme les tablettes. Hein. Moi, je suis rendu à la deuxième dans cette année. Ouais, mais toi, t'es fou. Moi, je suis malade. Oui, c'est ça. On parle d'un gars qui est capable de racheter une collection de Skylanders deux fois. Mais non, c'est pas deux fois, tu sais. C'est pas ça d'en racheter pour les garder scellés. Non, es-tu malade, toi? Ben quoi? Oh. Je suis fou, mais pas à ce point-là. Caroline. Mon erreur. Ouais, en tout cas, je suis collectionneur, mais collectionneur qui s'amuse. C'est pas pareil. Exactement. Non, ça serait quoi le but, right? Oui, mais non, mais tant mieux pour ceux qui veulent garder une version impactée. Ceux qui sont impactés, c'est parce que j'ai pas le temps de jouer avec encore. Je te comprends. Hey, je trouve des jeux impactés, mais tu sais, j'ai pas une neuf, vraiment pas cher. Puis je suis comme pas encore joué. Je pense que ça fait 6 mois que j'ai acheté Alan Wake puis je l'ai pas déballé encore. Ben c'est ça. Dans pas long, je m'attends à ce que j'aurais pas encore le temps de jouer. Puis je vais me retrouver avec une cassette qui vaut 200 quelques piastres parce qu'elle est encore celle. Seal. Moi, je t'ai demandé de me prêter Alan Wake, si je comprends bien. Je sais pas, je vais regarder ça. Ah, ok, merci pour la nouvelle. Merci Sylvain. C'est la nouvelle par rapport à ce qu'il nous jasait de Lord Shadows. Oh, ça va-tu, PN? Dans 5 minutes, ce serait pas bien long. OK, bye-bye, mon ami. Le feu poigné. Je vais pas devoir mourir en direct, PL! On va y aller avec la prochaine nouvelle. Gran Turismo 6 a peut-être des chances de sortir sur PlayStation 3. C'est une rumeur qui commence à se promener sur Internet par rapport à ce que les gens de PlayStation ont peut-être l'idée de sortir le jeu sur la PS3 et peut-être PlayStation 4. Ça a l'air d'être un move bizarre. J'avoue, je m'attendais à ce que ça soit peut-être un killer app pour la PlayStation 4. Mais vu que ça aurait été un jeu qui aurait fait vendre la console. Moi, à chaque fois que ouais, j'étais... Parce que ça, c'est parce qu'ils prévoient vendre encore des PS3 pour les 10 ans à venir. Ils vont faire pareil comme la PlayStation 2. Regarde, ils l'ont arrêté, puis le monde n'arrête pas d'essayer d'en trouver encore des neufs. Ouais, je sais. Fait que, non, c'est intéressant de savoir ça, puis moi, en tout cas, je me rappelle dans le temps que le 5 était sorti, je travaillais chez Vidéotron, puis j'en ai vendu de la PlayStation 3 à cause de ça. Sérieusement, là, le monde, il achetait la console, plus la Gran Turismo. Le monde attendait après ça. Et le monde ont même acheté dans le temps où c'était le prologue. Tu sais, le démo qui vendait 30$, là. Oui. Il vendait un démo. Oui. Check Gran Turismo 5 Prologue, c'est un démo. T'as à peu près 30 chars, puis 5 ou 6 pistes. Puis il y a du monde qui l'ont acheté. Mais bon, moi j'étais un gars honnête. Quand je vendais, là, je disais aux gens, regardez, c'est un démo. Il n'y a pas grand-chose. Mais le monde voulait vraiment jouer du Gran Turismo, parce que sûrement, il était toute l'année de jouer au 4. Fait que... C'est la vie. Ça, il y a du monde qui trouve ça bizarre que je dépense autant pour ce game. Non, c'est pas moi qui dis ça. Là. Moi, j'achète pas des démos à 30$. Excusez-moi, je suis pas un bébé intéressé. J'ai jamais acheté encore Halo 3 DST, juste pour vous dire, parce que je sais que c'est un DLC de 4 heures. Là, t'sais. Fait que c'est dans mon avis. Officiellement, on a bien des noms pour le nouveau X-Men qui sort Days of Future Past, qui est tourné à Montréal en ce moment. On a beaucoup de noms. Mm-hmm. Halle Berry vient de rajouter dans la liste des gens qui vont faire partie de X-Men Days of Future Past. Elle vient rejoindre Hugh Jackman, Patrick Stewart, Ian McKellen, Anna Paquin, Ellen Page, Sean Ashmore, James McAvoy, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender et Nicholas Hoult. Ça va être malade comme film! Oh que oui! Oh que oui! Bon, X-Men de tous les temps? Oh que oui! Je sens que Marie-Lune va arpenter les rues de Montréal pour essayer d'approcher Jennifer Lawrence. Je sais que c'est son idole ces derniers temps. Ben quoi, c'est une excellente comédienne dans Hunger Games. C'est ça que je m'a fait le fait découvrir moi personnellement. Sérieux, c'est ça. Et qui a gagné un Oscar. En plein ça! J'ai pas vu ce film-là par exemple, pas encore. Mais bon, j'ai très hâte de voir ça. Puis que ça soit tourné à Montréal, c'est vraiment cool, sérieusement. Puis, je sais pas, est-ce que vous autres, les gars, connaissez-vous l'histoire de Days of Future Past, la série? Oui, mais... Je pourrais pas l'expliquer en live comme ça, parce que c'est une histoire tellement compliquée, puis en même temps... Ça fait longtemps que j'ai pas lu le storyline, fait que j'ai... Bon, tu peux regarder ce qu'il y a des bouts... Mais je suis pas capable de tout expliquer. Je suis pas capable de tout expliquer en raison que il y a tellement des punches, il y a tellement des mises en situation. C'est tout ce que je veux dire, c'est que c'est une des meilleures histoires écrites d'X-Men de tous les temps. Toi, Sylvain, est-ce que tu as déjà entendu parler de cette histoire-là? Je suis pas un gros fan d'X-Men. Ah non! Ben, tu m'apprends beaucoup de choses de toi. Ben là. Mais je pense. Je peux pas tout aimer, hein? Non, c'est sûr, on peut pas tous aimer. Moi, j'ai surtout connu cette histoire-là par la sorte d'adaptation qu'ils ont faite dans la série X-Men, où ils ont changé plusieurs personnages, comme Kitty Pryde, que c'était plus Kitty Pryde dans Days of Future Past, c'était Bishop qui descendait du futur. Mm-hmm. Gros storyline dans la série des années 90, mais j'ai bien hâte de voir ça, puis je vais probablement aller voir mon comic shop local pour aller me chercher la série. Sinon, vous êtes capable, pour vous remarquer les grandes lignes, il y a toujours The Future Past a été une des épisodes à succès de la série 1990 d'X-Men. Je pense qu'on peut encore trouver des épisodes sur YouTube, justement. T'as vu la deuxième série de X-Men, mais celle qui était vraiment la plus populaire. Je sais pas si c'est celle de laquelle que je parle. Ouais. Il avait fait, je pense, un two-parter sur Day of Future Past. Ouais, mais c'est ça, il avait changé des personnages. Il avait pris Bishop pour remplacer Katie Pryde dans l'histoire. Puis après ça, je pense qu'il avait rajouté Cable dans cette histoire-là. Que Cable rapport. Il fait partie d'un univers encore plus futuriste que Bishop. Donc ça, Cable avait pas rapport dans Death of Future Past, mais c'était juste pour... Les équipes d'animation, c'était juste pour... Il fallait qu'ils trouvent une manière d'implémenter Cable, puis ils ont trouvé cette storyline-là. Mais bon, ça va être... je vais probablement regarder ça, puis je vais peut-être vous faire même une critique. Sérieusement, c'est un nouveau comic book que j'aimerais me chercher prochainement. Et une recommandation définitive. Et j'ai pas beaucoup de Marvel. C'est ça qui est le plus pire. J'ai pas beaucoup de Marvel dans ma collection. J'ai beaucoup de DC Comics, puis de Image, mais j'ai pas de... pas Image, IDW, mais j'ai pas de Marvel. Mais c'est qui ton personnage préféré, Ben? Hein? C'est ton personnage de BD préféré? Mon personnage préféré... Je pense que c'est Green Lantern. Ben, c'est ça, voilà. C'est Green Lantern que j'aime beaucoup parce que surtout le cosmique de Green Lantern qui est vraiment bon. Là. C'est d'aller de planète en planète, d'aller voir d'autres créatures, d'autres civilisations, je trouve ça cool. As-tu déjà lu la série X-Men 2099? Non. Moi, j'ai commencé à lire ça puis c'était mauvais. Moi, j'ai la série au complet. Puis elle est à vendre. C'est bon. Ça, surtout que je viens de dire que je trouve ça mauvais. T'avais combien? Je l'avais au prix du cover. Ok. Si jamais vous êtes intéressé, allez voir sur le forum privé. Je suis sûr qu'ils vont nous faire un petit topic rapide sur le forum pour la vendre. Au podcast aujourd'hui, on vend les trucs de Rétrogueur PQ. Eh oui. rapidement sur YouTube et Twitter, est-ce qu'on a des questions, des commentaires qui sont... Ouais. Attends, j'en ai une papier de taille, ce sera pas bien long, je peux se retrouver. Premièrement, il y a 12 minutes, taille a posé comme question. Plutôt, en fait, plus une affirmation. En parlant de Sega, j'aurais aimé voir Sega faire un jeu, les mondes des Ralph. C'est impossible parce que c'est pas eux autres qui ont la licence, c'est Activision. Et voilà. Ils ont sorti le jeu sur Wii et 3DS, mais c'est pas ces gars qui ont la licence. Eux autres qui ont la licence pour utiliser Ralph dans un personnage, pour faire un personnage de jeu de course dans Sega Racing. C'est tout ce qu'ils ont. Okay. À part de ça, des questions pour toi, Ben, de la part de Ty. Big Ben, tu aimes X-Men. Qu'avais-tu pensé de X-Men Evolution à la télé? C'est une série qui est pas pire, un peu est bonne, mais j'ai pas pu la suivre au complet. Moi, ce qui m'agaçait le plus, c'était qu'on voyait moins les personnages centrales, on voyait plus les jeunes. Moi, c'est pas eux autres que j'aime. C'est vraiment les principaux. Cyclope, Wolverine, Storm, c'est mes préférés. Moi, les voir des petits jeunes, là, j'ai pas trippé. Surtout plus ça va en réalité, plus les jeunes sont... Ils ont pas de caractère, ils ont rien. Ils sont génériques, ils sont plates, on parlait à... Aux anciens personnages, je m'en souviens. Sur YouTube, Marie, qu'est-ce qu'on a? Il y a beaucoup d'affirmations ou de questions qui s'auto-répondent, donc je peux pas vraiment les parler, mais on a ici Oz Hobbs qui demande « Est-ce que vous jouez encore à Magic the Gathering? Si oui, vous jouez quel type de deck, de couleur, etc.? » Je pense que je suis pas mal le seul à jouer. Exactement, donc ça s'adresse à toi probablement. PL, je t'ai jamais vu jouer à ça. Pas un fan de Magic the Gathering. C'est ça. Puis toi, Rétro, non plus, je pense. J'ai arrêté de jouer quand j'avais 14 ans, puis j'en ai 35. C'est ça. Alors, je suis peut-être un des seuls qui joue encore. Moi, c'est un deck noir-blanc qui est mon préféré. C'est un deck refait vie et je m'arrange pour pas me faire attaquer parce que si il m'attaque, je les fais chier. C'est comme ça que je l'appelle. Oh. Et ouais, c'est spécial comme deck, mais mettons que lorsque je joue surtout à plusieurs, ben, j'ai l'impression que c'est moi qui ai trop visé le premier parce que je fais chier les autres. Fait que, c'est ça mon deck. M'emmener, je vais peut-être le montrer dans une vidéo, mais pas pour le moment. En ce moment, j'ai d'autres vidéos en tête, mais ça, c'est pas pour tout de suite. Y a-tu d'autres choses, Marie? Lorsqu'on parlait de. Je pense qu'on parlait de manga, tout ça, à l'Otaku Lounge, y a Kevin. Qui nous marque, ce qui est spécial, c'est de s'asseoir devant un mangaka qui nous dessine, donc qui crée notre propre manga. Mais c'est surtout un atelier pour apprendre à faire les mangas. Alors, je sais pas s'il va dessiner quelqu'un, je suis vraiment pas au courant, mais ce mangaka-là va donner des séances à des gens qui écrivent déjà des histoires ou quoi que ce soit. Donc, c'est surtout un atelier pour se perfectionner, je vous dirais. Sinon, t'as petit Jess55. J'espère que je scrape pas ton nick, là. Je suis vraiment désolée. Il faut pas qu'on se retrouve avec un Donkey Kong version Angry Birds parce que ça va être vraiment mauvais. Je confirme. J'espère que c'est pas ça. Oui. J'espère aussi que ce sera pas un dessin animé comme Donkey Kong parce que c'était vraiment mauvais. Je m'en rappelle, j'ai souffert à écouter cette série-là. Puis surtout que Ouais. Télétoon à l'époque, là, il l'a promo... au début quand ça sortit, là, il faisait comme 6 visionnements, la même épisode pendant une semaine. C'était long quand t'avais juste Télétoon à écouter. Ok, oui, merveilleux. Ben, je compatis avec toi et de beaucoup. Merci. De rien. C'est ça qui arrive quand tu écoutes quelque chose d'un jeu que tu as beaucoup aimé et que tu espères que de l'épisode à l'autre, ça s'améliore. Mais c'est jamais arrivé. Là-dessus, Une question je... pour toi, Tom, de la part de Takushimura. Oui. As-tu lu Amethyst Princess of Gem World? Pas tout. Pas tout, ça règle les problèmes. Go. Next page. Rosemary. Je ne crois pas. Un instant. Oui, j'ai Kevin encore qui dit ce qu'il aime pas de la Wii U, c'est le fonctionnement de la mémoire. Il faut un disque dur externe électrique à part. C'est ce qu'il aime pas présentement sur la Wii U. C'est surtout quand tu veux télécharger des jeux sur l'Internet. Si tu penses seulement à louer des jeux ou à acheter une coupe de jeux, c'est moins pire. Tu fais juste sauvegarder tes jeux sur ta carte, ton disque dur. Mais si tu es quelqu'un qui va acheter des jeux directement sur Internet, t'es mieux, oui, de t'acheter un disque dur externe puis de le brancher. C'est ce qui est plate. Et voilà, c'est ce qui est tout depuis YouTube de ma part, en tout cas ce que je vois présentement, là. C'est bon. Fait que, avant d'embarquer dans le sujet du jour, il y a quelque chose qui s'est passé sur Facebook dans la vie à moi. Je vais prendre quelques temps à trop pour vous expliquer la situation et parce que ça a été privé, ça a été en public à cause de mon Facebook. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent me suivre parce que j'ai mis mon message public. Et ce message-là, j'aurais dû le mettre en ami, mais je vais le préciser une certaine chose. Samedi soir, Marie est couchée. Elle fait dodo. Puis moi, ben, je travaille sur les accros, je travaille sur des critiques. Puis je me cherche des idées pour faire de la promotion sur le site pour accros des jeux. Puis je me dis, OK, je vois Machinima FR, la chaîne francophone de Machinima. Je me suis dit, pourquoi pas, je vais donner mon nom, je vais donner le site en channel pour qu'ils puissent faire la promotion. Puis je me dis, ils cherchent surtout des jeunes chaînes qui n'ont pas beaucoup de visionnement pour promouvoir. Je me suis dit, maudite bonne idée, je vais essayer d'aller poster mon nom, donner mon nom. J'ai un formulaire d'à peu près 5 pages à remplir où ils me demandent mon taux de visionnement, ils me demandent plein d'affaires, mais je le fais au complet. Puis, c'est correct. J'ai pas aucune chose à dire de méchant là-dessus. Avant toute chose, OK, j'ai oublié de faire cette mise en garde-là, puis je veux être sûr et certain que vous comprenez cette mise en garde-là. Je ne bâche pas Machinima, je ne bâche pas Banzai, aucunement. Restez avec eux autres le plus possible, vous les adorez, restez avec eux autres. Je ne fais aucune marde là-dessus. Je tiens seulement à émettre une petite opinion de moi. J'ai eu un message hier de la part de Banzai, oui, Benjamin Daniel. Vous savez, je l'ai déjà interviewé auparavant. C'était la première personne que j'ai interviewée. Puis c'est un bon gars. Puis c'est encore un bon gars, OK? Il était super fin avec moi. J'ai vécu une situation difficile il y a un mois et demi. Puis il m'avait écrit un message pour dire, regarde, je suis avec toi. Là-dessus, man, t'es un bon gars pareil. Puis je tiens absolument à ce que tu comprennes ça. Mais j'ai eu un message via Gmail où Benzaï me dit d'une façon sec, comme quoi que. Ma chaîne n'a pas assez de visionnement, que j'ai pas assez de monde qui me suivent, puis que oh, tu peux réappliquer si t'as plus de si ton visionnement va mieux. J'ai trouvé ça chien. Vraiment chien. Fait que je m'exprime sur Facebook. Je dis comme quoi que j'ai trouvé ça chien, que mon idole, que oui, Benzaï, je te considère comme une idole pour moi, parce que t'es quand même un bon gars. Mais que, je le dis franchement ce que j'ai dit. Wow, ça se fait dire par Benzaï que ma chaîne est trop petite pour Machinima francophone, qui a comme but de promouvoir des chaînes francophones. Tu me déçois énormément. Surtout que tu as été la première personne que j'ai interviewée. Ça s'appelle recevoir une claque que je m'attendais pas. C'est ça que j'ai écrit. Il m'a répondu en message privé. De manière bête encore, je trouve. Il dit, le but de Machinima est de passer des partenariats avec des chaînes francophones. Pour cela, il faut que la chaîne ait un minimum de trafic pour que ce soit intéressant aussi bien pour toi que pour Machinima. Je t'assure que la barre n'est pas vraiment placée très haute par rapport à l'an dernier pour les partenariats. Ensuite, ne le prends pas personnellement. J'ai reçu 36 candidatures aujourd'hui. J'ai juste décliné toutes celles qui n'avaient pas un trafic suffisant. J'ai répondu à Benjamin. J'ai dit, j'avoue que je suis déçu. Je comprends que vous désirez avoir une communauté où la visibilité soit importante, mais je m'attendais à recevoir une aide de votre part. Je m'attendais que votre but soit de promouvoir les chaînes ayant le moins de visibilité. Il me répond, oui, mais il faut que ce soit des chaînes qui révèlent un certain dynamisme au niveau de leur trafic. Je signe des chaînes qui font 4 000 views par mois. Il dit, c'est franchement peu déjà. J'ai répondu, donc je comprends que je ne serai pas là vu que ma chaîne existe depuis 3 ans et que je ne suis pas capable d'avoir un trafic plus important. Je te remercie quand même. Il dit, bah, si à un moment tu vois que dans tes stats tu fais environ 5 000 dans les 30 derniers jours, ré-remplis ta candidature. C'est tout ce qui a été écrit. J'ai trouvé ça chien. OK? Ben, la seule chose que je te demande, la prochaine fois que tu écris à quelqu'un, de même, aide-moi un petit peu d'empathie. C'est la seule chose que je te demande. OK? Ça fait mal de se faire dire non parce que tu n'as pas assez de visibilité. Je pense sérieusement, la seule chose que je te demande à toi, d'être un petit peu plus empathique les prochaines fois que tu fais des messages parce que tu peux blesser. Moi, je sais que tu m'as blessé un petit peu parce que tu as été sec puis tu n'as pas pris le temps de OK, man, regarde, c'est pas grave. Prends ton temps, refais-en. Au pire, de me donner quelques conseils juste pour dire, OK, améliore ton trafic de telle façon. Ça aurait pu être beaucoup plus facile à avaler. La seule autre chose que j'ai à dire par rapport à Machinima, je suis déçu de Machinima qui dit au début, OK, je vise pas aucun boss, je vise à rien, La seule chose que je trouve bizarre, c'est que vous dites, on veut faire de la promotion pour les petites chaînes. Mais j'ai une petite chaîne. J'ai pas beaucoup d'abonnés. Et vous me dites non. Vous n'êtes pas capable de me dire par quelle façon je peux m'améliorer. Et vous n'êtes pas capable de juste de prendre une petite vidéo et de dire un quoi de neuf et juste jaser d'une fois de ma vidéo. J'aimerais ça que vous y repensiez une autre fois à un moment donné. Pensez aux petites chaînes qui ont peut-être du potentiel. Moi, c'est ce que je vois dans Accro des jeux. Je vois du potentiel. Je ne vois pas de trafic. Les chaînes qu'on back, ce sont des excellentes chaînes qui ont énormément de potentiel. Et je crois sérieusement que les Accro des jeux ont un site incroyable avec des rédacteurs qui sont géniaux et qui ont de la créativité à en déborder. La seule chose que je vous dis, Machinima, regardez pas les views. Ça vous servira à rien, vous allez vous planter un moment donné. Regardez la qualité. Angry Nerd a commencé petit. Et regardez où est-ce qu'il est rendu. Il n'est pas regardé à cause des views. Il est allé avec la qualité de ses vidéos. C'est ça le plus important. Moi, c'est la seule chose que je vous demande. Machinima, regardez la qualité des vidéos que vous allez regarder avant les views. Et si vous voyez que ça marche, aidez-les. C'est tout ce que je vous demande. C'était mon segment sur Machinima. Comme je vous ai dit, je ne blaste pas, ce n'est aucunement, j'ai aucunement envie de blaster qui que ce soit. La seule chose que je vous demande, continuez à les suivre, il n'y a pas de problème, quoi que ce soit. Mais moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que dans mon cas à moi, j'ai un froid. J'ai un froid envers Benzaï et j'ai un froid envers Machinima francophone. C'est la seule chose que j'ai à dire, mais je vous empêcherai aucunement de continuer ou non de suivre ces chaînes-là. Ce sont des excellentes chaînes et les gars travaillent fort, puis j'espère que vous allez continuer à les suivre. Mais moi, je voulais juste vous expliquer c'est quoi cette situation-là que je vis, parce qu'il y a certains accros qui ont pu voir qui s'est passé à travers mon wall. Et j'en suis désolé, j'aurais dû faire attention. Là-dessus, on va laisser Marie quitter parce que c'est le temps d'aller voir les fesses à Claude Legault. Si elles sont présentes cette semaine-ci, je sais pas. C'est peut-être les fesses à Real Bossé, on ne sait pas. Moi, je m'en fous. C'est pas des belles fesses pour moi. Alors, Marie, comment on peut te contacter sur les internets? C'est pas très compliqué. On peut me contacter sur mes deux chaînes, Création ML pour les accros des jeux et Vlog de Marie pour tout ce qui est féfé et beauté et tout ce que vous voulez, mais c'est pas ça qui vous intéresse. On peut me contacter sur Twitter via terrien.marieve. On peut me rejoindre via courriel vlogdemarielune@commercialgmail.com. On peut toujours me contacter sur le forum des accros également, donc c'est pas mal ça. Ah, et je peux te faire une petite annonce qui n'a pas rapport partout au podcast. Oui. Big Ben connaît à quel point que ça me tient à cœur. Je suis devenue porte-parole, mesdames et messieurs. Je suis porte-parole pour Claire de Lune depuis vendredi. Oh, wow! Grâce à mon autre chaîne. C'est eux qui m'ont contacté, mais c'est pour un concours. Donc, je suis pas sûre que ça vous intéresse, un concours comme tel, mais je voulais juste vous partager à quel point ça me fait... Je suis tellement contente et excitée et toute la kit. Parce que vous savez pas à quel point ça peut représenter des views. À être Claire de Lune, oui, c'est une compagnie québécoise, mais en tout cas, c'est ça me fait capoter mes rêves. Je voudrais avoir plus de visionnements et d'abonnés à cause de ça. Sur les deux chaînes, peut-être. Donc, je capote. Donc, c'est juste pour ça. Merci beaucoup, Marie. Écoute, continue comme ça. On se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde! Bye-bye! Je vous aime fort, bye! Là-dessus, ben écoutez, on a un dernier segment, les gars. On jase entre gars, à ce soir. Parce qu'on va parler d'un sujet qui... J'avais envie de ça cette semaine. Bye-bye, Marie! J'avais envie de jaser ça avec vous autres, les accros, parce que je me suis rappelé une page de mon enfance. Souvenez-vous, dans les années, fin années 80-90, où on avait des produits dérivés de jeux vidéo à tour de bras. Mais c'était, il y avait à peu près n'importe quoi qui sortait. On s'en souvient, hein? Sylvain, tu te rappelles bien des choses, hein? Moi, les premières choses que je me rappelle, c'était les produits dérivés qu'on avait chez McDo. Le fameux Mario Bros avec la suce que tu pesais dessus pour le faire sauter. Est-ce que tu t'en souviens? Oui, j'ai dit quelque part ici. Oh! Pour moi, c'était un des souvenirs que j'avais. J'ai dit, il y en avait tellement! Puis j'avais envie d'en jaser avec ça, vous autres, à soir, les accros. Qu'est-ce que vous vous souvenez? Derrière ça, derrière ça. C'est fantastique. Alors, c'est sûr que d'en parler, c'est Guy, première des choses. Mm-hmm. C'est lui qui va se créer, deuxième des choses. Il y a Retro Gamer qui essaie de se replacer avec. Oui, je sais pas. Il me semble avoir un petit peu de misère. Et c'est parce que je t'attends. J'ai pas de bureau pour. Ah non! Ah! Pauvre toi. Puis je trouve pas une figurine quelque part dans une boîte, là. C'est pas grave. J'ai trouvé ça en faisant le ménage des cochonneries qui me restaient chez mes parents. Fait que t'avais toute la collection? Non, peut-être pas toute, mais un bon paquet puis une coupe de Goomba. Nice. Qu'est-ce qu'il y avait comme jeu de jouets à cette époque-là? Tu t'en souviens-tu? Qu'est-ce qu'il y avait sorti? Moi, c'est pas tant les jouets, mais les produits dérivés comme mes boîtes de céréales. Oui. J'avais les céréales Pac-Man. Oui. Puis ça, j'en mangeais, mon gars. Que j'aimais ça. C'était très bon. Les fantômes, ils étaient en marshmallow, là. En guimauve, ouais. Oh, c'était bon! Mais les céréales Pac-Man, là, il fallait que j'en mange tous les matins quand j'étais jeune, puis ma mère, fallait qu'elle achète une boîte de Pac-Man toutes les semaines. Pis ça a duré longtemps, en plus, ces céréales-là, hein? Ça a vraiment duré très, très longtemps. De ce que je me rappelle, là, je pense que ça a quasiment resté jusqu'en 95, quasiment, là, 95-96, là. Ouais, j'avais arrêté d'en manger bien avant, là, mais... Ah, ça se peut, mais il me semble que ça restait longtemps. Écoutez, moi, je me rappelle de ça. Je me rappelle également de... moi, je me rappelle d'avoir vu des sandwichs à crème glacée de Mario Bros. Oui, moi aussi. Ah ouais? Oui. Je n'ai pas de ça. Oui. Pendant un temps, un été, je pense qu'ils vendaient ça au dépanneur. C'était bon. C'était vraiment, t'avais ton sandwich, là, genre t'avais la face de Mario qui était dessus. Là. C'était ça, PL, t'en souviens-tu, c'était comme ça? En fait, de ça, je me rappelle... Ah, ok, c'est pour ses rétros qui... Ok. La carte à danser avec ses fils d'écouteurs, c'est bon. Ben, écoute, je me rappelle-tu C'est correct? On va essayer pas nos ondes, rétro? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? À quoi? On entendait des coups de fouette comme si t'avais la maîtresse à côté de toi en train de te flageller depuis qu'elle a lu les Fifty Shades of Grey. What the fuck? Je sais pas, plein de filles qui lisent ça, pis c'est, tu sais, genre, je fais comme, ah, qu'est-ce que c'est ça? Un livre sur les affaires sadomaso, depuis ce temps-là, c'est rendu populaire, là. Never heard of it. Mande à ta blonde, parce que tu checkes jamais ce qu'elle lit. Non, elle lit Game of Thrones, mais elle n'a pas le temps de faire. Ah, ok. Sinon, à part ça, moi, je me souviens beaucoup. Excusez-moi. Je me souviens encore de. Qu'est-ce qui était sorti à l'époque? Je me souviens des petits Game Boy en bonbons. T'en as encore aujourd'hui? Il y en a encore aujourd'hui, mais dans le temps, c'était le modèle, la grosse brique grise, là. Ouais, c'est vrai. Il y avait des petits modèles là, ça je m'en souviens. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Est-ce que tu as des idées? J'en ai plein en fait, mais il n'y a pas juste des bouffes. Il n'y a pas juste de la bouffe. Hein? Moi je me rappelle quand j'avais. Quoi, je pense que j'avais 12 ans. Ouais, j'avais 12 ans. Ma chambre, mon père était assez cool pour me permettre de décrire ma chambre avec de la. Avec des collants pour les murs. Fait que pour les murs de Super Mario. Oh! C'est vraiment cool. J'avais. De mémoire, j'avais Mario, j'avais Bullet Bill. Ok. J'avais pas de rétro gamer qui éternuait. J'ai pas éternué. J'avais un autre. J'ai pas éternué, c'est quoi l'affaire? C'est pas grave, pas grave. Continue. J'avais les coupes à troupa. Étrangement, j'avais pas de Goomba. Je pensais que les Goombas, ce serait un ennemi essentiel pour décorer la chambre d'un jeune gamer. Eh ben non, j'avais pas de Koopa. C'est ça l'affaire étrange de tout ça. Pense ça, écoutez, ça aussi, dans un temps, c'est que Nintendo était plus dominant. Donc, il était plus ouvert, par conséquence, à faire des produits dérivés. Surtout que eux autres, Nintendo, dans ce temps-là, ciblaient plus les enfants. Alors, c'était... une fois plus facile de s'attaquer à la cible que, soyons honnêtes, les adultes. Ou encore, les enfants qui sont des adultes aujourd'hui ont des petits boozers qui vont à la caméra présentement. Oui, parce qu'à Star, ça a rendu beaucoup plus populaire, je vous dirais. Avant, c'était un petit peu plus difficile à en trouver, mais Nintendo a toujours été très bon pour la commercialisation de leurs produits. Autant, dans le temps, on avait les Tortues Ninja où ils sortaient à peu près n'importe quoi, là. Ouais. On se souvient tous des jeux qui sortaient, puis aussi de la bouffe. Je me rappelle, je pense que c'était le Nostalgia Critic qui avait sorti les fameux les tartes Tortue Ninja. Les tartes à crème Tortue Ninja, c'était comme n'importe come on. Mais il y a Kara Geek, notre cher Shadix, qui nous met une photo sur Twitter avec son Mario Bros qui a dit « Le Mario dont tu parles, j'ai déjà eu le Luigi. » Donc, intéressant. Merci, Shadix. Nice. C'est vraiment cool. Si vous voulez aller voir ça sur Twitter, en ce moment, les accros, ceux qui sont live, c'est vraiment cool. Merci d'avoir parlé de ça, Kara, c'est vraiment cute. Oui, c'est vraiment cute. Je vais le retweeter pour que vous puissiez le voir. Donc, suivez mon feed de Twitter si jamais ça vous tente de voir ça. Sinon, à part ça, ben écoute, Ty, il nous dit qu'il y avait même un resto qui s'appelle Super Mario Bouffe. Ben, tu sais quoi? Moi, j'avais le restaurant Super Mario à Saint-Paul de Joliette. Puis il y avait vraiment un Mario Bros, comme dessiné comme le 2, mais à place d'avoir un turnip, comment on appelle ça, genre un navet, il y avait une poignée de patates frites. Aïe aïe. Ouais. Oh, je pense que Nintendo n'était jamais eu au courant là-dessus. Je pense pas. Sinon, à part ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Ben, les fameux dessins animés de Mario Bros, ça a été bon. Je sais que tu voulais en faire bientôt des critiques, je pense, Rétro. Rétro? On t'a perdu! T'as encore ton micro qui est fermé, mon ami! Bah, comment ta question? J'ai dit, tu vas bientôt travailler sur des. Je sais que tu voulais parler, m'emmener des dessins animés de Mario Bros. Oui, oui, ça c'est une autre vidéo qu'il faut que je fasse là, parmi les nombres de vidéos. J'espère que t'as fait une liste prochainement, mon ami, parce que t'en as pas mal. Ça finit plus. Non, hein? Rétro. C'est ce que j'ai à te dire, c'est que t'es courageux. Oui, oh, oui. Bien. Oui, ben en fait, c'est le dessin animé Super Mario Bros. 3. Oui, je vais vous dire tout de suite une mini-critique. Oui, oh. Là, on a été très rationnel en écoutant cette édition, en l'écoutant ensemble. Impossible. C'est il n'y a rien qui fait du sens là-dedans. Non, totalement pas. Zéro. La série qui avait un petit peu de sens, c'était celle de Zelda, puis encore des fois, il fallait que tu fermes ton cerveau pour comprendre. Non, mais les années 80, il fallait pas que tu penses quand tu écoutes une émission, puis c'est normal quand on est jeune, on s'en calisse de ce qui se passe, on veut juste voir les personnages à l'écran. Ouais. Quand t'es adulte, t'écoutes ça, tu dis « What the fuck? » Oh non, écoute, ils en ont fumé du bon quand ils ont fait cette série-là, là. Je pense qu'ils ont fait comme, regardez Fuck That, là, tout le monde, là, on va se péter à la gueule, là, on va mais, se faire. Tu dis des affaires de même aujourd'hui, ça passerait pas. Là. Non. Non, c'est non. Sûr que non. C'est pas assez bien écrit, c'est pas. Ça passerait mais, jamais. Regarde, c'est un site, là. Le monde sont en train de faire un levier de bouclier contre Caillou. Juste pour vous dire. Bon, mais c'est pas. Quoi, c'est pour des enfants de 6 ans et moins? Oui, mais ça a l'air que Caillou, ça donne des mauvaises idées aux enfants. Ah, oh, n'importe quoi, ça encore. J'en entends plein, je t'avoue. Moi, j'écoute, je suis obligé de pogner 98.5. Hein. Vous autres, vous avez le choix FM à Québec. Nous autres, on a 98.5, puis c'est comme des fois, les affaires qui sortent, là, c'est vraiment, vraiment weird. C'est n'importe quoi. Ouais. Fait que non, ça a été débilisant un petit peu cette série-là. Autant que celle de Zelda, plate. J'ai déjà critiqué un des épisodes de Zelda. Excuse me, princess! Écoutez, c'est devenu un des premiers mèmes de la culture geek. Excuse me, princess! On peut pas dire. C'est horrible. C'est affreux, c'est mauvais, mais c'est l'identité de Zelda, la série animée. Mm. On peut pas rien faire! Non! Là, c'est là! It's here to stay! Vrai ou faux? Excuse! Excuse-moi, PA, je viens juste de voir ce que tu viens de poster, puis je la trouve drôle. Ah, fait plaisir! Pour ceux qui. Parce que PA, il vient de poster sur Facebook un meme avec le tapis volant de Aladdin qui dit qu'il y a plus d'expression faciale que Kristen Stewart. Et voilà. Excusez, pour ceux les fans de Twilight, s'il y en a, désolé pour vous autres. Non, mais écoutez, t'es fan de Twilight, ma femme, ma pute de salope pour 30 secondes. Pute de salope, qu'est-ce que tu fais là, toi? Écoute, ça. Je vous invite à voir ma critique qui est un hommage à Jess Player. Mm. Ça, c'est mon message pour les fans de Twilight, qui aillent voir ma critique sur le second film. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui. On va continuer. Avez-vous déjà joué à des jeux de table que c'était des jeux vidéo auparavant? Non. J'ai vu des jeux de Mario, j'ai vu des jeux de Donkey Kong, mais jamais. Oh, attention, qu'est-ce que Retro va nous montrer? Oh oh! Le Monopoly World of Warcraft! Quel gimmick, sérieusement, là? Comment qu'on peut réussir à sortir des jeux Tu fais juste ça quand t'as besoin de renouveler ton Monopoly qui est tout scrap, qui est en train de tomber en morceaux, puis qui manque des morceaux, puis qui manque de l'argent, puis tu veux plus voir. Tu sais, j'aurais pu te chipper un pour 10 piastres, hein? Non, il est beau. Celui-là, il est beau. Ça se peut. Là, il est World of Warcraft. Oh oui. J'aurais pu acheter celle-là. En fait, c'était. On avait le choix, soit celle-là de Nintendo ou ben celle de World of Warcraft. Puis le J'ai devoir va s'en emporter. laissé ma blonde choisir. Ok. Ouais, c'est vrai, Cindy, elle joue pas mal et tout. Alors, moi, je me rappelle surtout du risque, puis surtout qu'il y a le Metal Gear Risk qui a fait en sorte que ils ont changé quelques règles en plus à cause de ce jeu-là. Donc, si tu avais un Solid Snake de ton bord, ben ton Solid Snake frappait plus fort qu'un soldat normal. Donc, à place de tirer un D6, ben tu avais un D10 pour pouvoir y péter la gueule. Donc, tu avais 4 chances de plus de le tuer. Ouais. Ben écoute, c'est Solid Snake. Il est fucking hot. Yeah, c'est le Snake. Il est hot. Mais là, j'ai pas joué encore Hey! au nouveau Metal Gear, par exemple. Avez-vous vu le jeu d'échecs avec les personnages de Nintendo? Oui, j'ai vu. Oui, j'ai vu, mais j'ai pas acheté. Il est beau, hein? Jouer, tester, toucher, à mon avis. Hein? Tester, jouer, toucher, tester, jamais de la vie, j'ai pas le nom. Moi, je Non, l'ai ok. vu. J'ai vu le jeu de dames aussi, il est beau. Ouais, mais Oui. le jeu d'échecs, il est spécial, il est beau. Oui. Il est bien fait. Je sens une dépense bientôt. Je pense qu'il vend combien en plus de jeu d'échecs de Mario? Je pense qu'il est comme une trentaine de piastres, 30, 40 piastres. Ouais, je pense 40 pièces. Ça se peut. Ouais. Sinon, il y a quand même aussi, il n'y a pas juste de la bouffe, il n'y a pas juste des jeux vidéo, il y a également de la publicité des fois. Et quoi? De la publicité. Ah oui, c'est sûr. Donc, des bonhommes de jeux vidéo qui font de la publicité pour autre chose. Est-ce que vous en souvenez, vous autres? Demande un Pour exemple. d'autres choses, non. Genre, qui sert de Mario, peut-on vendre une boîte de céréales ou un affaire de Ouais, même? ouais. Oh my god. J'ai tendance à dire Donkey Kong, mais le souvenir est vague. Est-ce que je me souviens de Donkey Kong? Y avait-tu quelque chose avec Donkey Kong? Je sais que ça existe. J'ai déjà vu ça. Aux États-Unis, surtout, sont friands de prendre des personnages puis de les mélanger. Là, on s'entend. Je m'en souviens pas de même, mais je me sens que j'ai déjà vu une vidéo de ça. Je vais regarder rapidement. La la la la la la la. Sinon, à part de ça. Mais Ben, moi j'en connais un, je sais pas si c'est un vrai commercial. ouais. C'est celle-là avec Zelda 64 pour un drink au Mexique ou je sais pas quoi. Un What? drink au Mexique, oh ouais. Ouais. The La hell? Mirinda. What Ok. Ouais. Weird. C'est vraiment weird. Ben, genre, je pense que c'est Link qui ouvre un coffre, puis là, il sort le drink, puis il boit. C'est fait avec les graphiques du jeu. Eh ben. Comment faire de la pub gratis, hein? Pas de personnage à rien payer. J'avoue. En passant, pour les intéressés, le jeu d'échecs serait disponible dans le bon, serait disponible dans le catalogue de Noël de Sears. Le jeu d'échecs qu'on parlait tantôt là, de Mario. Ah, oh, ça se peut. J'avoue Peut-être. que je regarde jamais ça, là, mais bon. Ça regarde jamais Sears non plus. Mais Sears, pour moi, ça fait pitié. Plus en parler. Mettons que la dernière fois que je l'ai regardé, c'est dans le temps où je regardais pas Internet, tu sais. Bon, les gens partant. C'est Ça quand je date. choisissais mes cadeaux quand j'avais 6 ans. Non, ça, c'était dans la distribution consommateur. Ah, mais ça aussi. J'avoue. Sinon, pas ça, rapidement sur YouTube, je vois que Kevin nous dit comme un jeu DBZ sur DS, c'est Son Goku qui présente le jeu. Oui, souvent on utilise les mascottes pour présenter des consoles. Ça arrive. C'est fait de même. Sinon, rapidement, le dernier temps, c'est surtout beaucoup de choses de Nintendo, des bonbons. Vous avez vu la critique que Marilyn a fait des bonbons. Elle a déjà critiqué ça. Et ouais, c'était pas pire, ils sont bons pareil. Sérieux là, donnez-vous une chance d'aller chercher un chez Dolorama, c'est vraiment bon. C'est des petits gelées là, avec du jus à l'intérieur, c'est vraiment bon. Sinon, à part ça, c'est assez tranquille. Moi, il y en a un que je voulais, puis qu'on n'a pas eu au Canada, puis Sylvain aussi, tu vas être d'accord avec moi. Les Mountain Dew World of Warcraft. Ouais. On les a jamais eu ici. C'est plate, hein? Ça, Toutes les liqueurs de Mountain Dew, on les a pas ici. Pourquoi? Parce qu'ils ont de la caféine. Oui, il y a une loi là qui. Hein, la seule boisson caféinée, à part le café, que tu as le droit d'avoir, c'est du Coke. Mais il n'y a pas de caféine dans le Pepsi? Je pense qu'il y en a. Il y en a, mais tu sais, quand c'est quelque chose de Coke Cola, t'as le droit. Mais le reste, t'as pas le droit. Je pense que c'est vrai. Je suis pas sûr, là. Mais de ce que j'entends, là. Il faudrait vérifier. Mais je sais qu'ils ont pas sorti ces Mountain Dew-là, puis ça me fait chier. J'ai vu un gars sur Facebook, Daniel Lalumière, qui est en train de se prendre vraiment un drink d'un Mountain Dew en fontaine. C'était comme la couleur du World of Warcraft, là. Oh en fait, fuck you, man. Je sais même pas ça goûte quoi. Je veux l'essayer. Mountain Dew, c'est plus ma blonde qui aime ça. Ouais, j'aime bien le Mountain Dew. Ouais, ben elle aussi. Mm. C'est mais la boisson préférée des geeks. En passant. Pepsi all the way. Ici, c'est Pepsi. Parce ici, on dit pas ici. On dit ici. Ici. C'est Claude Legault pour le... Pas Claude Legault, mais Claude Meunier pour le fun. Ouais. Ça fait un bout qu'on l'a pas vu dans les pubs, hein? En tout cas, non. C'est bizarre que je dis ça. Sinon, à part ça, je regarde rapidement. Oui, c'est vrai, Fetai, merci beaucoup. Ben écoute, t'as des produits Pokémon. Pokémon ont tellement sorti de produits dérivés. On pense juste aux cartes de jeu, aux films. Angry Birds. Angry Birds, c'est un site, c'est bourré de stock, ça n'a pas de bon sens. Des pluches, des cartables. Ah, ça n'a pas de bon sens. Ah, ben là, Scalander, ça n'en vient pas pire aussi. Il y a même des Snuggies, Scalander. Oh! Je sais qu'il va y avoir une collection à part qui s'en vient chez Retro Gamer. Il faut que tu fasses la décision, hein? Non. Jeu d'échecs, Huggies. Jeu d'échecs, sûrement. Il y a même un parc d'attractions qui est en train de se faire en Chine, hein, d'Angry Bird. Oh, ouais. C'est quoi, ils vont lancer le monde avec une fronde? Je sais pas. Je sais pas, sérieusement, mais ça fait bizarre d'entendre ça. Ben, tu vas aller à telle place? Ok, on te swing! Amenez votre bébé, madame, pas de problème, on va le lancer. Okay. C'est totalement sécuritaire. Il manquera pas de monde, hein? Il manquera pas de monde pour le lancer dans la fronde. Aïe, aïe. Sinon, à part ça, ben écoutez, on peut regarder certains produits. Il y a tellement de choses. Vous, les accros, qu'est-ce que vous avez comme produit dérivé à la maison? Quelle affaire vous trouvez qui est un goodies que vous adorez et vous voulez jaser ça avec nous autres? Laissez-nous ça dans les commentaires. Laissez ça dans la discussion Twitter ou sur notre forum des accros. Venez jaser avec nous autres. Dites-nous c'est quoi que vous avez. Et préparez-vous prochainement. J'aimerais voir vos collections. Parce que on prépare une vidéo pour ma collection de jeux. Très bientôt. Très longtemps qu'on en parle. On en parle beaucoup. Et j'ai bien hâte de vous la présenter parce que c'est pas une collection qui est grosse, mais c'est une collection qui a beaucoup de petites choses qui sont intéressantes. Pas vrai? Hein, PN? Juste après ta question, c'est comme un peu coupé de mon côté. J'ai dit c'est ma collection, elle est petite. Mais ils ont beaucoup de choses intéressantes là-dedans. Ok, oui. Mm. Ok, alors, oui. Venez jaser. Il y a une section dans le forum qui s'appelle Collection. Venez jaser votre collection. On va jaser avec vous autres. Il n'y a pas de problème. Ça va être vraiment génial. On va échanger sur nos collections. Puis regardez prochainement. Il va y avoir une vidéo qui s'en vient où on va montrer ma collection. Alors, j'ai très, très hâte de vous la montrer. Puis en même temps, de pouvoir vous dire, regardez, qu'est-ce que j'ai. Venez en jaser. Parce que oui, mon rêve, c'est d'en avoir une comme Anson Tom, parce que sa collection, elle est malade. Oh, mais c'est justement, imagines-tu l'investissement que Tom a fait là-dessus? Oh my God, oui. Écoute, il n'a pas fait une scène quand il a travaillé chez eBay Games. Lui, il l'a dit clairement, hein? Il n'a pas fait une scène. Il a quoi? Il n'a pas fait une scène quand il a travaillé chez eBay Games. Il a acheté plein d'affaires. Puis aux États-Unis, ben souvent, la liquidation, quand il liquidait quelque chose, il lui vendait ça une scène. Ben, c'est ça. Moi, j'aimerais tellement ça qu'il y ait du stock à une scène, là. Des fois, ben, je passerais... Des fois, c'était passé, ils ont fait une vente à une scène, sauf que c'était tous des jeux de PlayStation Poche. Mm. Tu sais, fait que c'est genre... Ça valait une scène, hein, pour de vrai. Ouais. Fait que je pense à finir là-dessus, les accros. Ouais, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était vraiment cool. Antithèse, comment t'as rejoint sur les internets? On peut me rejoindre sur antythese@gmail.com ou yahoo.ca. Je déconsulte mes courriels tous les jours. Sur le Twitter, vous pouvez lire mes discours politiques ou mes updates de vidéos ou mes retweets sur @antithese. Mais j'ai encore, comme d'habitude, une bien meilleure idée pour me suivre et me contacter. Le forum des accros à accrodesjeux.com/forum. Rétro, comment on peut te rejoindre sur les internets? Par le forum d'accrodesjeux.com. C'est mon moyen favori pour prendre vos messages maintenant. Alors, si vous voulez que je vous réponde, eh bien, écrivez-moi un message privé sur le site d'accrodesjeux.com puis je vais vous répondre, c'est certain. C'est sûr que je vais répondre sur Facebook. Possiblement aussi sur ma chaîne, mais en priorité sur le site accrodesjeux.com. D'accord. Si vous, jamais vous voulez contacter avec moi, le meilleur moyen, c'est de passer par le forum des accros également. Sinon, il y a le Twitter des accros des jeux, à commercial accros des jeux. Il y a également le email des accros des jeux, accrodesjeux@commercial.gmail.com. Vous pouvez également nous contacter via le Facebook des accros des jeux, où on a 211 personnes qui nous suivent. Venez nous rejoindre là-dessus, c'est vraiment cool. On poste tout le temps des petites vidéos, des petites photos, c'est bien hot. Sinon, à part ça, abonnez-vous à ma chaîne si jamais vous êtes intéressé à suivre mes vidéos. Il y a également le Facebook, YouTube. J'ai oublié quelque chose. Mon Facebook, ouais. La fameuse pick-up line. Je prends pas les invitations privées, ceux que je connais pas. Et sinon, à part ça, rapidement, regardez cette semaine sur Accro des jeux. Des nouvelles vidéos s'en viennent prochainement de tout notre gang. Semaine prochaine! Semaine prochaine, le grand retour de Retro Gamer. J'espère que vous êtes excités, comme des petites puces. Retro, t'as averti. Je fais un dip sur Mirror of Fate. J'espère que la première fois que tu vas me voir, tu vas pas me tirer à coups de mitraillette. Je vais te laisser faire. Mais, oui, pour argumenter, tu peux bien toujours faire donner ta critique pareil après. Y a pas je vais faire ma critique du packaging. Moi, c'est un retour. Moi, c'est un retour des top 10. C'est jamais long, fait que c'est pas une critique comme première impression, slash de 2-3 minutes. Retro pour faire une critique de 20 minutes, ou même 10 minutes, whatever. Il y aura pas de trouble, là. C'est évident. En passant, les accros, ceux qui connaissent Tester Alpha, il y a également son Facebook à lui, mais son collègue, Player Beta, vient de rajouter sur Facebook. Ok, oui. Alors, si jamais vous voulez avoir les jeux de mots de Beta, ben vous pouvez le rajouter. Lui, ça va lui faire un grand plaisir de vous ajouter sur son Facebook. Parce que Beta, il est hot. Même Beta, si... Oui, je vois Beta, il est vraiment cool. Il est cool, Beta. Oui. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis, Zachro. C'était l'épisode du 4 mars 2013. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est merci à vous autres, puis on se donne des nouvelles. Bye tout le monde!